Depuis le mois de février, l'ensemble des restrictions contre le Covid, qu'elles concernent les passes sanitaires ou vaccinaux ou bien le port du masque généralisé, ont été levées dans de nombreux pays. Il se dit même au sein de hautes instances, comme l'Agence européenne des médicaments, que nous nous dirigeons vers une endémisation du Covid. Pourtant, ce même potentiel endémique était perçu il y a 2 ans par l'OMS comme une lourde menace. Comment ce caractère endémique a-t-il donc pu passer du statut de menace à celui de norme, voire d'espoir? Et est-ce bien raisonnable de s'accommoder d'un Covid endémique? Ce sera le sujet de notre débat du jour. Au menu de ce vendredi actualité, nous parlerons également de la mission lunaire américaine Artemis, de contraception masculine, mais aussi d'intelligence artificielle en politique. Covid endémique, contraception masculine, mission Artemis et IA politique, c'est le programme tous azimuts de notre table ronde actualité. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parcourir cette foisonnante actualité, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un trio de chroniqueurs scientifiques de choc. Bonjour Jérémy Descoux. Bonjour Jérémy Descoux, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends, bonjour. Bonjour, vous êtes cardiologue responsable de la chaîne YouTube Asclepios. Nous sommes également en compagnie d'un nouveau venu. Bonjour Thomas Delosier. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint chez Science et Vie, le magazine. Et nous sommes également avec Philippe Hénarejos, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace. Bonjour Philippe. Bonjour. Mais avant de plonger dans le grand bain de l'actualité scientifique, il est temps de nous mouiller la nuque avec un tour d'horizon de l'actualité du jour pour éviter l'hypothermie. Et c'est avec vous, Natacha Triou, pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence avec une étude parue ce matin dans la revue Nature. Pour la première fois, nous avons un enregistrement de l'ambiance sonore de la planète Mars. Oui, on ouvre la voie à l'étude acoustique des planètes. En février 2021, le rover Perseverance a atterri dans le cratère G0, à la surface de Mars, avec à son bord la Supercam. Parmi ces différents instruments, il y a un microphone. Alors, contrairement aux sons qui nous venaient du sismomètre de la mission InSight, qui étaient des fréquences en infrasons, les chercheurs ici ont enregistré plus de 5 heures de l'environnement sonore martien. En voici un extrait. Voilà, comme vous pouvez l'entendre sur Mars, Mars est très calme. Cette bande-son, ce n'est pas seulement un portrait acoustique du cratère G0. À l'origine, ce microphone servait à comprendre la dureté des roches. Si vous tapez sur de la mousse ou sur du bois, cela ne produit pas le même son. Et lorsque le laser de la Supercam vaporise une roche à une certaine distance, ce n'est pas le même bruit si c'est une roche dure ou une roche molle. Mais les résultats les plus intéressants ont été obtenus en étudiant l'atmosphère martienne. David Mimoun est planétologue et professeur à l'ISAE Sipaéro à Toulouse. Il est le responsable scientifique du microphone de la Supercam et le co-auteur de cette étude. La première chose qu'on entend quand on allume le microphone, c'est le vent. Alors vous savez que l'atmosphère de Mars est très ténue, c'est 5-6 millibars, ça varie suivant une échelle saisonnière. Et en plus, ça correspond à 40-50 km d'altitude. Donc l'atmosphère est très ténue et en plus, elle est constituée de dioxyde de carbone. Mais donc la première chose qu'on entend, c'est le vent. Sur Mars, il y a pas mal de bourrasques de vent, en fait, là où on a atterri. Donc dans le cratère G0, on voit beaucoup de ce qu'on appelle des dust devils, ces petits diables de vent, là, ces espèces de petits tourbillons de poussière. Donc ça nous permet de mesurer à haute fréquence les bourrasques de vent, ce que les instruments plus classiques à bord du rover ne font pas. Déjà, on a une meilleure vision à l'intérieur de ces bourrasques de vent et on a une meilleure résolution. La deuxième chose, c'est qu'on peut mesurer la turbulence. C'est-à-dire que, alors là, c'est un tout petit peu technique, mais ce qu'on appelle le spectre de turbulence de l'atmosphère n'avait pas été mesuré jusqu'à présent. Moi, j'ai travaillé sur InSight où on mesurait jusqu'à des fréquences assez basses dans les infrasons ces propriétés de l'atmosphère. Et là, grâce au microphone, on est capable d'aller beaucoup plus haut en fréquence. Et ça nous renseigne en fait sur les propriétés de l'atmosphère et la dissipation d'énergie. Ce qui a un lien avec les modèles de météo martiens et les modèles de climato. Il y a un troisième point au niveau scientifique, c'est qu'on s'est rendu compte que la vitesse du son n'était pas bien stable et que ça variait un petit peu en fonction de la fréquence. On ne s'y attendait pas trop non plus. Sur Terre, c'est 340 mètres secondes. Sur Mars, on est entre 240 et 260. Ça dépend un peu des propriétés locales de l'atmosphère, de la température, de la pression, puisque la pression varie pas mal. Et puis, voilà, c'est vraiment ça qui nous a aussi un petit peu surpris, faut bien le dire. C'est clair que maintenant qu'on a pu démontrer qu'il y avait un intérêt à écouter le son d'une planète et qu'il y avait un vrai intérêt scientifique, c'est une charge utile qui pèse pas très lourd. On peut penser également aux prochaines missions sur des planètes avec atmosphère comme Vénus, où là aussi l'étude des infrasons sera très intéressante. On a quelques études avec nos amis du Jet Propulsion Laboratory justement pour écouter un petit peu ce qui se passe sur Vénus. Et puis Titan, avec la mission Dragonfly, il y aura certainement des bruits de Titan, mais là, il faudra attendre les années 2030. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude et toutes les actualités de ce journal et les suivantes sur notre fil Twitter @laméthodefc. En bref, selon une dépêche AFP, le chantier de fouille de Notre-Dame de Paris vient d'être interrompu. Oui, depuis ce matin, le chantier de fouille est bouclé à la suite d'une infraction suspecte dans le local où sont entreposées les découvertes des archéologues de l'INRAP. La police enquête actuellement, les deux agents en charge de la surveillance du local sont portés disparus. Alors, rien ne semble avoir été dérobé, mais le sarcophage en plomb, déterré dans la nef il y a 2 semaines, semble avoir été forcé. Les enquêteurs ont retrouvé son couvercle, décelé et déformé à quelques mètres de la partie inférieure et surtout, ils ont découvert sur le sol des fragments organiques. Selon l'archevêché de Paris, il s'agirait de tissus humains très anciens. Les riverains sont encouragés à rester vigilants. Et comme chaque vendredi, nous mettons en avant une étude fraîchement sortie des laboratoires français. Selon une étude parue dans la revue Nature, nos capacités d'orientation sont influencées par notre origine géographique. Et cette équipe du CNRS a voulu voir si l'endroit où nous avons grandi avait une influence sur l'une de nos capacités cognitives, sur notre sens de l'orientation. Alors pour évaluer cela, les chercheurs ont utilisé un jeu vidéo qui s'appelle Sea Hero Quest. C'est un jeu de navigation spatiale qui permet de comprendre la façon dont les gens se déplacent dans l'espace. Le joueur doit guider un bateau hein, d'un point A à un point B le plus vite possible après avoir mémorisé une carte. Et la durée de la trajectoire indique si le joueur s'est perdu en cours de route. Alors grâce à ce jeu, les chercheurs ont collecté les données de 400 000 participants, hein, une très grande cohorte, avec des participants au profil très varié de 38 pays, de tous les âges et de tous les milieux socio-professionnels. L'endroit où on a grandi, plutôt urbain ou plutôt rural, a bien une influence sur nos compétences spatiales en tant qu'adultes. Antoine Coutreau est chercheur au CNRS en sciences cognitives, au laboratoire LIRIS de l'Université de Lyon. Il est l'auteur de cette étude. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que en moyenne, quand on prend les 400 000 participants ensemble, ceux qui ont grandi plutôt en dehors des îles ont un meilleur sens de l'orientation que ceux qui ont grandi à l'intérieur des îles. Mais ce qu'on a constaté, c'est que ça variait pas mal d'un pays à l'autre. Donc on a essayé de comprendre qu'est-ce qui dirigeait cette différence, pourquoi cette différence existait entre les pays. Et on a remarqué que les pays dans lesquels cette différence était la plus grande étaient les pays qui avaient majoritairement des villes dont le réseau de rues était très organisé, sous une forme de grille par exemple, comme on peut avoir à Chicago ou à Buenos Aires. Alors que dans les pays où les villes étaient plus complexes, avec des réseaux de rues plus désorganisés, comme c'est le cas à Paris ou à Londres, on avait beaucoup moins de différence entre les gens qui avaient grandi dans des villes et ceux qui avaient grandi à la campagne. Donc du coup, ça confirmait assez joliment une hypothèse qu'on avait formulée, qui était que justement l'environnement dans lequel on a grandi, sa complexité, sa richesse, allait être déterminant pour le développement de cette capacité cognitive qu'est l'orientation spatiale. Que si on grandit dans un environnement dans lequel il est très simple de se déplacer, comme c'est le cas d'une ville quadrillée, on va moins utiliser cette capacité cognitive, et donc en tant qu'adulte, on va avoir une moins bonne capacité à se déplacer dans l'espace que si on avait grandi à la campagne ou dans une ville plus compliquée. Donc l'influence de l'environnement de naissance ou d'enfance sur les fonctions cérébrales, les fonctions cognitives, c'est quelque chose qui avait déjà été observé chez des souris, qu'on avait fait grandir dans des cages plus ou moins enrichies, plus ou moins riches, plus ou moins complexes, avec des jeux ou sans jeux, avec des labyrinthes ou sans labyrinthes. Et on avait constaté qu'effectivement, les souris qui avaient grandi dans des cages plus enrichies avaient de meilleures compétences cognitives à l'âge adulte. Mais bon, chez les humains, on n'avait jamais pu faire l'expérience, parce qu'on peut pas mettre des humains dans des cages. Alors que justement, l'intérêt de cette grande base de données collectée avec ce jeu vidéo, c'est qu'on a des centaines de milliers de joueurs issus de plein de milieux et d'environnements différents. Et on a pu du coup valider cette hypothèse, qu'il n'est pas possible de valider avec une base de données plus classique, où on fait venir entre 20 et 100 personnes au laboratoire pour les tester. Voilà pour cette étude, mais également dans l'actualité des sciences, cette semaine, Natacha, en ultra bref. Cette semaine, près de 20 ans après sa première version, nous avons enfin le premier génome humain, entièrement complet et sans lacune. 6 articles ont été publiés hier dans la revue Science. créé à l'aide de deux techniques de séquençage moderne, ce nouveau génome de référence vient combler les lacunes de la première publication initiale parue en 2000. Il nous manquait alors 8% de la carte d'identité complète de l'ADN de notre espèce. Cette semaine, les États-Unis s'apprêtent à libérer 2,4 milliards de moustiques génétiquement modifiés. Pour stopper la propagation d'espèces envahissantes, dans un climat qui se réchauffe, certaines régions de Californie vont déployer des moustiques OGM mâles, qui ne piquent pas, et modifiés pour ne produire que des descendants mâles. Selon différents organismes, les risques sanitaires d'une telle expérience sont encore mal évalués. Et enfin cette semaine, des chercheurs du CNRS montrent que nos réactions face aux échecs varient selon notre sexe. Ils ont mené une vaste enquête sur les stéréotypes de genre auprès de 500 000 étudiants âgés de 15 ans de 70 pays. Lorsqu'elles échouent sur le plan scolaire, les filles ont plus tendance à attribuer leur échec à un manque de talent, tandis que les garçons, eux, sont plus susceptibles d'accuser des facteurs externes, tels que la malchance, et non pas un manque de talent personnel. Tous des salauds. Comme chaque semaine, on termine par la rubrique des sciences improbables. Dans une étude parue dans la revue ACM Transactions and Computer-Human Interaction, des scientifiques ont créé une machine à chatouiller. Et pour découvrir l'endroit le plus chatouilleux du pied, une équipe néo-zélandaise a créé la Tickle Foot, une machine avec des brosses magnétiques qui se fixent sur une semelle. Alors 13 participants se sont prêtés à l'expérience. Et selon les résultats, pour les femmes, le score le plus élevé de chatouille se trouve au centre de la voûte plantaire. Pour les hommes, c'est un peu plus proche des orteils. Alors selon les auteurs, la tickle foot n'est pas un instrument de torture, bien au contraire. Elle pourrait servir à soulager le stress en provoquant le rire. Pour moi, c'est un synonyme de l'enfer. Et ça, pour le coup, ça n'est pas, Natacha, je crois, un poisson d'avril. On peut le dire. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. France Culture, la méthode scientifique. Antoine Beauchamp. Il y a 2 ans, au moment du début de la pandémie de Covid-19, alors que le confinement battait son plein, l'OMS alertait sur le fait que nous puissions vivre avec le virus pour très longtemps. Certains pays appliquaient des stratégies zéro Covid et on débattait sur l'éradication possible ou non du virus. Aujourd'hui, si l'on considère les mesures prises par certains pays comme l'Espagne ou bien certaines annonces de l'Agence européenne du médicament, il semble que le virus soit en voie d'endémisation sans que cela semble poser de problème majeur. Comment est-on passé d'une menace endémique à un espoir endémique? Qu'est-ce qui a changé dans le virus et dans la façon de l'envisager pour que nous en arrivions là? Peut-on y voir un constat d'échec ou simplement une évolution logique de notre rapport psychologique à la maladie? Pour nous plonger dans cette question fiévreuse, écoutez un résumé de la situation dans ce montage d'archives qui vous est proposé par Olivier Bétard. 18 janvier 2020. Un mystérieux virus chinois fait son apparition dans les rubriques du journal télévisé de France 2. À Wuhan, il a causé la mort de 2 personnes. Mais pas vraiment de quoi inquiéter ce médecin français. Le SRAS, c'était la première grande épidémie, un peu pandémie, où il y a eu des cas partout. Là, on prend les choses beaucoup plus vite et on a beaucoup appris. Et je pense que l'ampleur va être beaucoup moins importante, même si c'est aussi grave. This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. Vivre avec le virus, c'est le parti qu'a pris l'Espagne, qui s'apprête à considérer le Covid-19 comme une maladie du quotidien, telle que la grippe. Comment va évoluer la pandémie de Covid-19? C'est la question que tout le monde se pose. Selon l'Agence européenne des médicaments, bien que la maladie soit toujours en phase pandémique, le variant Omicron pourrait transformer le Covid-19 en une maladie endémique, avec laquelle l'humanité peut apprendre à vivre. Voilà pour ce montage d'archives. Alors on va débattre ensemble de ces questions et de ce Covid endémique. Jérémy Descoux, peut-être à toute fin utile, on peut commencer par un petit rappel lexical, une petite distinction entre épidémie, pandémie et endémie, histoire qu'on sache un petit peu où on met les pieds. Eh bien, pour parler assez simplement, la pandémie, on considère qu'il existe une pandémie à partir du moment où vous avez le virus qui se développe sur deux continents distincts. C'est juste la définition de ça. Ça définit pas, entre guillemets, la gravité d'une épidémie ou d'une... Enfin, ça ne définit pas la gravité en soi. On peut considérer qu'il y a des maladies endémiques qui sont extrêmement mortelles, comme Ebola, comme le HIV, qui sont considérées endémiques dans certains pays et sur certains continents, sans pour autant qu'on remette en cause leur gravité. Une situation endémique, ça signifie assez simplement que le virus va circuler dans la population au quotidien, avec peut-être des variations saisonnières, comme on peut les observer pour la grippe ou pour les virus respiratoires, mais il va circuler, il va être en présence en quasi-permanence. On va pas avoir des périodes où le virus ne circule pas du tout et des périodes où il va exploser. Et il peut y avoir des situations, comme on appelle, d'endémie-épidémie, c'est-à-dire que effectivement, on est sur une circulation de virus de fond et on va avoir des vagues successives épidémiques qui peuvent se succéder. Donc le distinguo en fait est assez difficile à faire et c'est trois réalités qui peuvent quand bien même coexister finalement. Pour le SARS-CoV-2, donc on part un petit peu sur une hypothèse d'un virus endémo-épidémique. Est-ce que, Jérémy Descou, ça vous a surpris de voir des instances comme l'Agence européenne des médicaments parler et s'accommoder finalement à demi-mot d'une situation endémique pour le Covid? Je pense que l'accommodement, finalement, de cette situation endémique, elle fait lieu, si vous voulez, à l'apparition du variant Omicron, qui se caractérise surtout par une circulation qui est beaucoup plus accrue, c'est-à-dire une infectiosité qui va augmenter très largement. Ce qui fait que les mesures, en fait, que l'on met en place pour essayer de limiter le virus sont finalement un peu vouées à l'échec. Ça devient de plus en plus compliqué de contrôler la circulation virale. On sait que, quelles que soient les manœuvres qu'on met en œuvre, ça va être difficile, même avec les gestes barrières, d'endiguer complètement l'épidémie. Donc on s'accommode de plus en plus de la situation, bon an mal an, en se disant que avec la solution vaccinale, on a quand même un afflux au niveau des hôpitaux qui est beaucoup moins important, parce que le véritable risque du Covid, c'est surtout la surcharge du système hospitalier. C'est ça qui inquiète beaucoup les systèmes de santé, c'est que ben vous ayez un afflux de gens qui vont occuper les hôpitaux, qui vont occuper les réanimations, et que on va être obligé de mobiliser l'ensemble des ressources hospitalières autour de ces patients-là. Et donc, on va devoir renoncer à des soins qui sont pourtant importants, voire urgents, justement pour s'occuper de cette vague. Donc, je crois que la situation, en fait, elle s'impose de fait. Mmh. Thomas Delosier, alors est-ce qu'il faut être rassuré d'entendre de hautes instances parler de Covid endémique, ce qui signifie bien évidemment que le virus va disparaître. Il faut insister là-dessus. C'est ça, c'est qu'il faut pas forcément être rassuré, mais pas non plus s'inquiéter. C'est-à-dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, l'OMS s'y attendait à cette situation endémique. Et j'en discutais avec Philippe Amouyel, qui est épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille, et qui me disait, voilà, en fait, avec un coronavirus et avec la Covid, ce qui se passe, c'est que le virus fait ce qu'il veut, nous, on fait ce qu'on peut. Et ce qu'on peut, c'est se vacciner, c'est avoir des mesures barrières et essayer de le limiter au maximum. Là, le virus n'a pas forcément intérêt à tuer toutes les personnes qu'il contamine, et on voit que tous les variants, en général, sont un peu moins violents, virulents que ceux d'avant. Et du coup, il y a, comme monsieur disait, il y a moins de saturation d'hôpital et la situation est un peu plus contrôlable. Mmh. Jérémy Descou, est-ce qu'il existe un curseur qui fait qu'on peut, à un point donné, dire là on rentre véritablement dans une endémie, ou bien est-ce que c'est assez flou et émouvant? Je ne sais pas si on peut véritablement parler de curseur. Il y a quelque chose quand même qui inquiète, c'est que la situation endémique dans laquelle on est, elle est liée à la circulation des variants actuels, notamment de Omicron et de son variant BA2, qui sont beaucoup plus contagieux et avec, entre guillemets, une sévérité au niveau des symptômes qui est moins importante. Ce qui pose véritablement problème, c'est que la circulation virale, même à bas bruit et de manière générale, si on baisse les bras sur la vaccination notamment et les gestes barrières, le risque, c'est de voir une circulation du virus, des mutations de ce virus, et peut-être une situation qui peut échapper complètement à ce que l'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus virulent qui pourrait émerger, ou quelque chose d'encore plus contagieux. Donc on a tout intérêt, si vous Vous voulez, la situation, elle n'est pas figée dans le temps. Mmh. C'est ça que ça veut dire. C'est que actuellement, on peut considérer qu'il y aura une circulation à bas bruit, comme les autres coronavirus, comme les autres viroses respiratoires hivernales qui peuvent émailler notre vie de tous les jours. Il faut que notre système hospitalier s'arme pour être en mesure de pouvoir répondre à l'afflux de patients qui peut venir et soit en mesure de répondre à la charge sans dégrader les soins de l'autre côté. Mais il faut aussi s'attendre à ce que la situation, elle puisse évoluer à tout moment, en fonction de nouveaux variants qui pourraient émerger ou d'une situation qui pourrait être en mesure d'évoluer. Quel impact ça peut avoir, ce statut normalisé, on va dire, du Covid, ce statut endémique, Thomas Delauzier, sur la gestion de l'épidémie au sein du pays, la gestion du virus, la gestion des patients qui se présentent auprès des hôpitaux, des médecins, d'un point de vue organisationnel, est-ce que ça peut avoir un impact majeur ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage. On connaît de mieux en mieux le virus. Effectivement, il peut évoluer et on peut avoir des surprises sur les nouveaux variants. Mais en tout cas, c'est mon impression, les citoyens s'habituent aussi au virus et ont l'habitude maintenant de mettre le masque, de se protéger. Il y a quand même une couverture vaccinale qui est assez importante dans le pays. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir un confinement à chaque fois qu'un nouveau variant va arriver. Et s'il est plus virulent qu'Omicron ou BA2, je ne pense pas que le gouvernement ira jusque-là parce que on a quand même appris depuis 2 ans et on a quand même évolué. Donc, j'espère qu'on arrivera à le gérer de mieux en mieux, mais effectivement, on n'est pas à l'abri de surprises. Jérémy Descoux, sur cet aspect de la gestion de l'endémie, puisqu'on en parle aujourd'hui à l'échelle nationale, est-ce que ça peut avoir des impacts de majeur si on s'y habitue un peu trop? Et d'un point de vue, on va dire un petit peu, si on prend un point de vue d'hypocondriaque, est-ce qu'on joue pas un peu avec le feu en fait en s'habituant un peu trop à ce virus-là? On joue pas avec le feu parce que effectivement on apprend de plus en plus avec la vaccination et avec l'exposition répétée au virus. Notre corps également apprend à créer une immunité naturelle. Au fur et à mesure que la population va être au contact du virus, on va finir entre guillemets par créer une situation immunitaire qui va être favorable et qui va permettre entre guillemets d'avoir un virus qui va être circulant mais qui posera moins de problèmes. On a l'exemple de ce qu'on avait appelé la grippe russe à l'époque, une très grave épidémie qui, à la fin du 19e siècle, avait émergé avec une mortalité terrible et qui, finalement, s'est retrouvée être un virus qui est, entre guillemets, commun au sein de notre circulation de tous les jours et qui n'est pas plus mortel que ça et qui ne crée pas plus de problèmes que ça. Donc, finalement, on se dit que l'exposition répétée au virus, le fait que la population y soit exposée, finira par le fait que l'on s'habitue à tout ça. Le véritable problème, c'est de gérer l'urgence, c'est-à-dire les afflux de patients, la demande croissante qui va de pair avec l'épidémie, la demande en termes de tests, en termes de diagnostics, en termes de prise en charge, le fait qu'il faut arrêter ces gens-là, le fait que il faut allouer des ressources à tout ça. Tout ça est excessivement chronophage et coûteux et épuisant pour les équipes. Et du coup, c'est ça la conséquence, en fait, qui peut être prévisible, en fait, d'une endémisation et d'une acceptation, entre guillemets, d'une circulation et surtout d'un lâcher-prise au niveau des mesures barrières et de la campagne de vaccination, finalement. On le voit un petit peu actuellement. Alors, heureusement, le variant Omicron, dans ses 2 sous-versions, n'est pas le plus virulent, mais on a du mal à imaginer ce que pourrait avoir comme conséquence l'apparition d'un variant plus agressif, Jérémy Descoux. Est-ce que là, on serait prêt, justement, à reprendre un petit peu de la vigueur? Et puis, ce statut endémique, finalement, il est très précaire, il est très, très, très peu sûr. Tout à fait, mais il repose surtout du fait que la vaccination nous apporte une protection efficace contre la virulence du virus, finalement. C'est-à-dire que quand vous êtes vacciné, quand vous êtes protégé avec vos 3 doses, voire les 4 doses pour les patients les plus fragiles, vous avez quand même une protection qui est efficace et ces gens-là ne vont pas aller être hospitalisés, tout ça. Et on n'est pas à l'abri d'avoir des variants qui échappent à la vaccination telle qu'elle est proposée aujourd'hui, des variants qui sont plus brutaux ou beaucoup plus contagieux et qui donc amènent un flux de patients beaucoup plus important, ce qui finalement est plus inquiétant qu'une létalité augmentée. Si vous avez beaucoup, beaucoup de patients, effectivement, ça crée beaucoup de désordre. Donc finalement, on ne sait pas trop ce que ça peut amener et comment ça peut évoluer. Mais c'est vrai que la campagne vaccinale nous aide beaucoup à ce niveau-là pour pouvoir considérer la situation avec un peu de sérénité finalement. Thomas Delosier, certains pays prennent un petit peu les devants dans cette endémisation du Covid-19. Alors il y a l'Espagne qui a un fort taux de vaccination, qui a décidé de modifier son suivi Covid. Alors les autorités comptent cesser bientôt le décompte, même quotidien des contaminations. Ils comptent même aussi limiter ce décompte des hospitalisations, des décès dus au Covid, limiter les tests. Pour autant, ils abandonnent pas complètement la surveillance. Il y aura une espèce de réseau d'hôpitaux et de médecins dits sentinelles pour avertir d'une résurgence de l'épidémie. Est-ce que ça vous semble être un modèle viable, solide et intéressant pour la France? Évidemment, il faut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour prendre les meilleures choses. Après, on a par exemple l'Institut Pasteur qui fait régulièrement des modélisations et qui arrivent à croiser les données avec tout ce qui se passe. Je crois que c'est quasiment quotidiennement. Et ils arrivent à faire des projections sur quelques jours sur comment va évoluer la pandémie, l'épidémie ou l'endémie, la situation endémique. Et à partir de là, oui, je pense qu'il faudra continuer à prendre des mesures et il faudra continuer à faire attention et à être très vigilant parce qu'effectivement, quitte à se vacciner régulièrement, comme la grippe par exemple, surtout pour les personnes à risque, et continuer à suivre toujours ce qui se passe et pour éviter les mauvaises surprises. Jérémy Descoux, je lisais dans un article du Monde, Samuel Alizon, qui est spécialiste d'écologie et d'évolution des maladies, parlait pour cette endémisation du Covid-19 d'un échec collectif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? Est-ce que c'est véritablement un échec d'avoir laissé s'installer ce virus-là et de finalement être à sa traîne et de devoir suivre son rythme à lui? Je crois que plus qu'un échec, c'est une version pragmatique, c'est-à-dire que le virus nous amène un petit peu là où il veut, quoi. C'est-à-dire que on réagit par rapport à son infectiosité, on réagit par rapport à ces éléments-là, et on adapte les stratégies en fonction de ce que le virus, entre guillemets, entreprend, développe, en fonction de comment il mute, comment il varie, et on adapte la stratégie en fonction de ça. Là, il est illusoire de penser qu'on puisse avoir une circulation beaucoup moins importante. Il est illusoire de penser que même avec des mesures restrictives fortes, on arrive à parvenir à contenir la poussée virale. Et il y a aussi une part de ras-le-bol de la part de la population qui est un petit peu fatiguée de l'ensemble de ces mesures et qui aspire quand même à retrouver un semblant de normalité. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de l'ensemble des méthodes de suivi qui, comme le précisait M. Delosier, nous permettent d'avoir des données fiables pour pouvoir prédire le devenir possible de la pandémie, et il faut quand même garder les yeux ouverts là-dessus, peut-être communiquer un petit peu moins autour de ces éléments qui finalement dégagent moins de sens, et peut-être garder quand même une veille très active sur le plan scientifique. Thomas Delosier, même question, est-ce que c'est un échec collectif cette endémisation du Covid? C'était peut-être ambitieux de vouloir arrêter un virus comme ça. Alors il y a plein de choses qui ne sont pas forcément bien passées, sur lesquelles le gouvernement et pas que le français n'a pas forcément géré de la meilleure façon. En revanche, la vaccination aide, la situation immunitaire aujourd'hui aide, et je pense qu'on ne pouvait pas l'arrêter, le virus. En revanche, ce qu'il faut savoir par exemple, c'est qu'on parle beaucoup de vaccination, mais la vaccination empêche les cas graves, en revanche ne limite pas forcément la propagation. Donc en fait le virus, on le voit en ce moment, oui. C'est ça, on le voit en ce moment. Donc en fait à un moment, effectivement, il y a un ras-le-bol. Au bout d'un moment, les gens ont besoin de sortir, ont besoin de faire des choses. Donc, on peut pas forcément tout arrêter pendant des années et des années et des années. Donc, on fait le maximum. Il y a la vaccination. Il y a des ratés, c'est clair, à droite, à gauche. Même parfois un peu plus. Et voilà. Mais arrêter la maladie et éviter son statut endémique, c'est quelque chose qui paraît très ambitieux. Jérémy Descoux, ce qui est intéressant, c'est aussi de se rendre compte de l'évolution de notre psychologie vis-à-vis du virus, puisque l'endémie, il y a 2 ans, c'était un peu considéré comme le mal absolu. Aujourd'hui, on en fait presque un horizon souhaitable. Alors, est-ce que nous aussi, on s'adapte? Nos mentalités changent vraiment vis-à-vis du virus? En fait, c'est pas du tout la même maladie. Vous arriviez sur une maladie qui était émergente, avec aucune immunité et avec un taux de mortalité qui reste très important face à une population qui a pas grand chose pour se protéger, même pas de masque au début de la pandémie, souvenez-vous. Donc concrètement, quand on arrive dans cette situation-là, effectivement, il faut s'armer, il faut être en mesure d'éviter. Et effectivement, la mesure de confinement apparaît la plus adaptée. Aujourd'hui, on est quand même plus armé. On a effectivement la vaccination question, et on le redit jamais assez, c'est vraiment ce qui change les choses sur le plan pandémique. C'est notamment parce que l'Espagne a un gros plan de vaccination, une vaccination très importante de sa population, qu'elle peut peut-être se permettre une circulation plus active du virus sans que ça n'impacte son système de santé. Mais sur des pays qui sont beaucoup moins vaccinés, la situation n'est pas du tout la même. Ensuite, il faut pas oublier qu'on a évolué aussi sur notre manière de ventiler les gens, de traiter les gens vis-à-vis du Covid. On a évolué en termes de thérapeutique. On a maintenant des traitements rapides chez les patients qui ont des présentations un peu graves avec le pavloxide. Donc concrètement, on a les outils, en tout cas, pour limiter les effets. On a de nouveaux outils et on est beaucoup plus fort vis-à-vis de ce virus. Sa mortalité, de ce fait, diminue, sa gravité diminue et son impact sur notre système de santé, même avec une contagiosité plus forte, est beaucoup moins important. Donc forcément, ça nous amène à reconsidérer, entre guillemets, nos stratégies et notamment le quoi qu'il en coûte pour essayer de l'intégrer peut-être à notre système de santé. L'erreur, ce serait de considérer qu'il faut gérer toujours au coup par coup et qu'il ne faudra pas prévoir, entre guillemets, un système de santé exposé relativement fréquemment au Covid et à des poussées hivernales, par exemple, ou saisonnières. On rentre finalement peut-être dans une nouvelle phase de notre vie avec le virus. Restez avec nous parce qu'on va ouvrir dans un instant le carnet d'actualité scientifique. Ce sera juste après ça. Ella quiere condón, condón Miguelo, qué rico que huele. Ella quiere condón, condón Miguelo, qué rico que huele. Ella quiere condón, condón Miguelo, qué rico que huele. Ella quiere condón, condón Miguelo, ay qué rico que huele. Ella quiere condón, condón, condón, condón, condón, condón, condón, condón, condón, condón, condón, condón, condón, condón Miguelo, condón, condón, condón, condón, condón, condón, condón, condón, condón Miguelo. Hoy yo estoy como Toreto. Inquieto, como una Chevrolet grande, que en todos los lados yo no quepo, y sin faltarte respeto, sí, te juro, no miento, que este carro sin freno, hasta el rojo lo meto. Ella quiere todo con Don Miguelo, cuarto con Don Miguelo, banana con Don Miguelo, ella empeña por Don Miguelo. Por socio, deje los celos, que yo soy su desvelo, botella que le brinda, con ella festejo. Comme Don Miguelo, par Don Miguelo, dans la méthode scientifique sur France Culture. Alors si on vous propose cette transition musicale subtile et adaptée, c'est qu'elle nous permet d'aborder la première proposition d'actualité scientifique choisie par nos chroniqueurs du jour. Jérémy Descoux, vous nous arrivez avec une actualité concernant la contraception masculine. Alors les hommes pourraient peut-être bientôt, eux aussi, avoir une pilule adaptée. Avant d'en arriver à l'étude récente sur laquelle vous allez vous pencher, on peut peut-être rappeler que des recherches sur une pilule contraceptive masculine, ça date pas du tout d'hier. Ah mais pas du tout, non. En fait, la contraception masculine, elle débute dès les années 50 où on teste l'administration de testostérone ou de ses dérivés et on constate que en administrant de la testostérone de manière régulière, par injection ou par ingestion, on a une diminution du comptage spermatique, c'est-à-dire du nombre de spermatozoïdes dans le sperme et que effectivement, on pourra avoir une piste pour la contraception masculine. Effectivement. Alors ce qui est intéressant, c'est quand même de rappeler, pour bien rappeler l'inégalité homme-femme sur cette question, qu'il y a 11 méthodes contraceptives pour les femmes et 2, voire 3 pour les hommes. Est-ce que vous pourriez nous détailler ces 2-3 méthodes envisagées? Bien entendu. Faut rappeler, sur ces deux méthodes, celles qui sont reconnues par la Haute Autorité de Santé, la troisième, elle est plus discutable, on en parlera plus tard. La première, c'est le préservatif masculin. Il est bien connu, hein, c'est pas compliqué. On déroule une membrane en latex sur un sexe en érection. Ça permet de retenir le sperme et d'empêcher son contact avec les muqueuses. Ce qui est une méthode qui est efficace à la fois sur le plan contraceptif, mais également la seule méthode de prévention des infections sexuellement transmissibles. Et, grosso modo, c'est la seule contraception qui est proposée aux jeunes hommes. La deuxième technique, elle est un petit peu plus complexe en fait, et elle nécessite quand même de comprendre un peu mieux l'anatomie des organes génitaux. Les spermatozoïdes, grosso modo, sont fabriqués dans les testicules, gardés bien au frais dans un petit sac qu'on appelle le scrotum, à une température optimale de 34 degrés. Pour fabriquer une éjaculation de bonne qualité, vous avez besoin également d'un fluide qui s'appelle le liquide séminal, qui est fabriqué par la prostate, les vésicules séminales, les autres glandes accessoires. Et c'est l'ensemble de ces composants, spermatozoïdes et liquide séminal, qui forment le sperme. La vasectomie, c'est très simple, ça consiste simplement à couper ou obturer les canaux déférents, c'est-à-dire les canaux qui partent des testicules pour rejoindre la prostate. Et il s'agit d'une méthode de contraception, en fait plus d'une stérilisation finalement, car elle doit être considérée comme définitive. On parle là d'une contraception définitive, même si il est possible de la réverser, entre guillemets, dans 70 à 90% des cas. Elle a pour principal avantage de pas modifier la sexualité de la libido, le testicule qui garde toute sa compétence hormonale. Elle change rien à l'éjaculation, à la qualité des érections, et les risques sont les mêmes que pour tout acte chirurgical. Pourtant, c'est une technique qui est pas si prisée par les Français, même si elle est en grande augmentation. Hein, depuis une dizaine d'années, elle a quasiment été multipliée par 10. 13 000 opérations par an recensées en 2019. Et si la pratique est en progression en France, elle n'en reste pas moins très marginale dans le paysage français, contrairement à d'autres régions du monde comme le Québec, la Nouvelle-Zélande ou la Grande-Bretagne, où on peut en observer 20 à 30% chez les hommes concernés. Alors il y a d'autres méthodes qui sont pas encore totalement, je crois, validées par les professionnels de santé, le slip chauffant, l'anneau testiculaire, ça c'est des méthodes un petit peu, on va dire, empiriques, qui sont pas encore véritablement testées ni étudiées scientifiquement. Est-ce qu'on peut quand même établir un petit point commun entre ces méthodes thermiques et des méthodes hormonales dont on va parler maintenant? Le point commun, assez simplement, c'est que on réduit le comptage spermatique, c'est-à-dire qu'on diminue, entre guillemets, la qualité des spermatozoïdes, qui vont être plus faibles, moins nombreux, et donc on va diminuer la fécondité. Le slip chauffant, c'est pas très compliqué. L'objectif, c'est de plaquer les testicules au contact de la paroi abdominale. Comme je vous ai dit, si les testicules sont dans un petit sac à 34 degrés, c'est pour une raison très simple, c'est que c'est la température optimale pour la fabrication des spermatozoïdes. Et lorsque les spermatozoïdes restent dans la cavité abdominale, ce qu'on appelle une cryptorchidie, les gens qui sont victimes de cette pathologie sont stériles, finalement. Donc, en fait, chauffer les testicules d'une manière ou d'une autre permet de passer le cap. La contraception hormonale, c'est à peu près le même phénomène qu'on va observer, c'est-à-dire qu'on va diminuer, entre guillemets, la concentration de testostérone aux alentours testiculaires et qui va entraîner une diminution de la fabrication du testicule. Mais cette étude est un peu différente sur son modus, finalement. Avant d'en arriver à cette étude, on peut peut-être rappeler qu'il y a eu déjà des tests réalisés notamment, je crois, en Inde en 2019 d'injections contraceptives, alors qu'il y avait une efficacité jusqu'à 13 ans, ce qui est peut-être sans doute un peu long si on souhaite avoir des enfants dans ce laps de temps. En 2018, il y a une autre pilule contraceptive qui a été à l'étude aux États-Unis, baptisée DMAU. Alors je vous laisse le loisir de nous détailler ce que recoupe cet acronyme-là et cette méthode-là peut-être. Alors sur la DMAU, j'ai assez peu regardé, mais effectivement des dérivés de la testostérone qui sont utilisés dans le cadre de la prévention dans la contraception, excusez-moi, c'est quelque chose qui est fréquemment utilisé. À chaque fois, le résultat est le même, c'est-à-dire que vous allez avoir une diminution des spermatozoïdes. Le véritable problème que cela pose, c'est les effets secondaires qui peuvent être attendus à ce niveau-là. L'efficacité, elle est prometteuse. On a à chaque fois des chiffres d'efficacité qui sont de 96 à 98%, mais on a une fabrication plus importante de globules rouges, qu'on appelle une érythrocytose, une baisse du bon cholestérol, un risque cardiovasculaire qui est un peu augmenté, une prise de poids, parfois une augmentation de l'agressivité. Donc c'est des études qui s'établissent au fur et à mesure, mais qui finissent par être abandonnées. Oui, il y avait une étude, je crois, notamment allemande, à Munich, qui avait testé justement cette méthode hormonale pour la contraception masculine, avec des effets secondaires assez lourds, une forte hausse de l'acné, une hausse de la libido, des douleurs sur le site de l'injection, c'était dans la fesse, des troubles de l'humeur et des troubles au niveau musculaire. Donc là, on voit bien qu'il y a des solutions qui sont pas encore tout à fait au point. Et pourtant, c'est là qu'intervient cette actualité dont vous voulez nous parler. Une pilule est à l'étude en ce moment et a montré une efficacité à 99% chez la souris. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du protocole qui a été suivi pour cette étude-là ? En fait, fin mars 2022, c'est une équipe de scientifiques de l'Université de Minnesota qui présente leurs travaux à l'American Chemical Society. Donc, l'étude est encore en cours de rédaction, mais dans l'idée, la voie explorée est un peu différente, étant donné qu'elle n'utilise pas la voie hormonale, contrairement à ce qui est beaucoup prisé. Elle utilise ce qu'on appelle la voie des récepteurs à l'acide rétinoïque. Cet acide rétinoïque, c'est un dérivé de la vitamine A. La vitamine A, elle va jouer un rôle déterminant dans la croissance cellulaire, dans la différenciation des cellules et la formation spermatique, et même le développement embryonnaire. On s'est rendu compte que chez certaines souris, chez qui on inhibait l'expression de ce récepteur RAR, hein, récepteur à l'acide rétinoïque, lorsque cette expression est inhibée, en fait, ça entraîne systématiquement une stérilité. Alors que les souris vont bien, c'est-à-dire qu'elles ne présentent pas d'effets secondaires par ailleurs. Donc l'idée de cette équipe de scientifiques, ça va être de créer un composé, un produit chimique qui serait en mesure d'inhiber l'activité de ce RAR, entre guillemets, et plus précisément de la partie alpha de ce RAR pour essayer d'inhiber la spermatogénèse. Finalement, cette équipe est parvenue à synthétiser un composé en mesure d'inhiber le RAR alpha 500 fois mieux que sur les autres récepteurs avec un produit plus ciblé, hein, donc moins apte à créer des effets secondaires alternes potentiellement. Et lorsqu'il est donné oralement aux souris, il entraîne en quelques semaines une infertilité de 99%. Et le plus intéressant, c'est que cette infertilité est réversible après 4 à 6 semaines d'arrêt. Une efficacité qui est donc quasiment analogue à celle qu'on observe chez les souris knockout, mais avec une réversibilité qui fait que c'est une technique de contraception efficace. Des données préliminaires qui sont encourageantes. L'équipe précise que l'expérimentation humaine pourrait commencer au quatrième semestre de 2022. Et peut-être rêvons un peu bientôt. Donc, du coup, une pilule contraceptive masculine avec, bien sûr, se posera la question de l'acceptabilité. Est-ce que ces messieurs, est-ce que nous autres messieurs accepterons de prendre la pilule? J'avais vu qu'en 2002, le CSA avait fait paraître une étude disant que 91% des hommes considéraient que la contraception devait être autant l'affaire de l'homme que la femme, mais ça tombait à 61% quand il s'agissait de se déclarer être prêt à prendre une pilule masculine si elle existait. Donc on voit bien là toute la contraception, les contradictions, c'est le cas de le dire, de la pensée masculine. On espère en tout cas que ces études aboutiront et qu'on aura bientôt à disposition cette merveilleuse pilule. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On poursuit ce tour de table avec vous, Thomas Delozier, et ce dossier en couverture du numéro d'avril de Science et Vie qui résonne étrangement à l'approche de l'élection présidentielle. Alors vous penchez sur ce qui ressemble à un scénario de science-fiction souvent sombre. L'intelligence artificielle pourra-t-elle un jour remplacer les politiques? Alors on parlait à cette même table mercredi de la nécessité d'établir des bornes éthiques à l'intelligence artificielle. C'est au tour de la politique d'être gagnée par l'IA, mais jusqu'à quel point? On peut peut-être rappeler à quel point déjà elle est déjà présente et déjà implantée dans notre système politique. C'est ça, elle est déjà implantée dans plusieurs ministères, notamment en France où par exemple une IA va aider à lutter contre la fraude fiscale, notamment en comparant les vues satellites, les cadastres et du coup les déclarations de piscine. Donc on utilise l'intelligence artificielle pour ça, pour repérer les fraudeurs. Donc on n'est pas encore dans Terminator, on n'est pas encore dans les films de science-fiction, mais à droite à gauche on voit des signaux comme ça qui indiquent que l'IA fait carrière politique. Et on a en Suisse également des systèmes pour éviter les cambriolages. On a en Chine, une IA prévoit, grâce à des capteurs, les pics de pollution. Et du coup, la mairie peut fermer certains bouts de périph', par exemple, pour éviter qu'il arrive. On a partout, à droite à gauche, des choses. Et même en France, on a en politique même des choses qui ont déjà été faites. Par exemple, on a le projet WorkSim, qui était assez intéressant, qui a appris la loi El Khomri en 2016. Donc WorkSim, c'est une IA du CNRS qui en fait fonctionne comme un multi-agent. Un multi-agent, c'est-à-dire que c'est une IA qui va prendre en compte plusieurs, donc chaque agent est une personne qui a des décisions à prendre et chaque décision qu'il prend va influer sur le système entier. Et en fait, ils arrivent à simuler donc des micro-sociétés comme ça. Et ils ont testé ça sur la loi El Khomri, la loi travail 2016. Ils ont testé sur un article de loi précisément qui facilitait les licenciements économiques. Et c'est cette facilitation des licenciements économiques était censée faire baisser le chômage. Donc, le CNRS, avec son IA WorkSim, a testé cet article de loi et ils se sont rendus compte que, bah non, ça ne marche pas. Ce qui est assez intéressant, c'est que quelques années après, donc en 2020, juste avant la pandémie, les chercheurs sont allés voir si cet article de loi avait fonctionné, avait eu son impact dans la réalité, parce que la loi, comment est passée. Eh bien non. Donc, l'IA avait raison. À l'époque, justement, quelle avait été la réaction des politiques à cette proposition des chercheurs du CNRS concernant WorkSim et leurs travaux de recherche? Est-ce qu'ils avaient été entendus? Est-ce qu'on avait pris acte de cette étude-là? À l'époque, pas encore, mais petit à petit, ça fait son chemin. Il y a une étude qui a été réalisée en 2018 par un député En Marche qui a interrogé les députés et qui leur a demandé tout simplement « Est-ce que vous serez prêts à être assistés par une intelligence artificielle ?» Ils sont 67% à dire que oui. Par contre, quand il s'agit de prendre une décision, c'est un peu comme la pilule, quand il s'agit de prendre une décision, ils sont plus que 30 à dire « Je vais laisser la décision à l'IA ». Il y a encore un petit orgueil politique, l'envie de tout prendre en compte. Alors là, on parle bien évidemment d'aide à la décision. Le dossier proposé par Science et Avenir ce mois-ci va un peu plus loin. Il est question, ça c'est une anecdote moi qui me fait sourire et en même temps qui me fait froid dans le dos. Il y a eu une expérience qui a été faite au Japon où il était même question d'élire une intelligence artificielle à un scrutin. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé et racontez-nous un peu le score qu'a obtenu cette IA. C'est ça, c'est en 2018, à la mairie de Tama au Japon, il y a un candidat qui s'appelle Michi Ito Matsuda, excusez-moi pour la prononciation, qui a décidé de se présenter à côté d'une IA. Donc, sur les affiches de campagne, c'était un humanoïde avec un slogan de campagne, etc. Et son programme, c'était que ce soit l'IA qui dirige la ville. Et l'IA et lui ont tenu quand même 9% des voix. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est vraiment pas mal. Plus que certains candidats en France. À tel point qu'il y a un chercheur américain qui s'appelle Ben Goertzel qui prédit même qu'une IA sera élue démocratiquement d'ici 2040. À nouveau, ça me fait froid dans le dos complètement. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de cette prédiction-là? Alors, est-ce que c'est une prédiction vraiment, pour le coup, un peu fantaisiste ou est-ce que, selon vous, c'est envisageable? Alors, je vais pas... Pas jouer les pitiés. Ouais, c'est ça. Mais par contre, c'est effectivement chose qui est assez intéressant. On voit, il y a une enquête du CNRS qui a duré plus de 10 ans qui nous sort que 25% des Français seraient prêts à ce que certaines décisions politiques soient prises par des IA. On sait aussi par d'autres études que 75% des Français pensent que les politiques sont corrompus. Donc l'un dans l'autre, on s'approche peut-être de quelque chose. Et après, il faut pas forcément voir l'IA comme ce qu'on voit à chaque fois dans les films de science-fiction. En fait, l'IA, c'est faut le voir un peu comme un GPS. L'IA, c'est pas quelque chose qui va nous dire où aller, c'est quelque chose qui va nous dire comment aller là-bas. Et pour ça, on va lui faire rentrer des paramètres, on va essayer de lui faire comprendre au maximum la situation. Par exemple, en Chine, il y a une IA qui est procureur, et elle a, en fait, l'IA pour se préparer avant de trancher réellement, je crois que c'est à Shanghai, s'est entraînée sur 15 000, 20 000 dossiers, où à chaque fois, elle a étudié, donc, les tenants, les aboutissants, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'aller à un endroit, mais ça reste l'humain qui décide. Qui finit par trancher. Sur des questions aussi brûlantes que les politiques environnementales, par exemple, alors là, c'est vraiment quelque chose qui est très étudié, l'implication des intelligences artificielles et des systèmes d'intelligence artificielle dans la prise de décision autour de ces questions écologiques environnementales, à quel niveau l'intelligence artificielle peut intervenir dans ces questions de politique écologique? L'avantage des intelligences artificielles, c'est qu'elles arrivent à gérer des systèmes extrêmement complexes et les questions écologiques, les questions d'environnement sont extrêmement complexes. L'autre avantage, c'est qu'elles sont a priori un peu moins corruptibles. Ça dépend qui les a préparées, évidemment, parce qu'une IA n'est aussi que l'image de son créateur. Elle régit à des lois, elle régit à des biais aussi. Donc c'est important de le savoir. Et l'IA pourra nous aider dans certaines questions, pourra nous indiquer quelle voie à prendre. Après, ce qui est toujours intéressant, c'est les questions morales. Si, par exemple, l'IA nous décide pour des questions environnementales, de augmenter le prix d'une denrée ou quelque chose comme ça, ça pourrait créer des mouvements populaires qui ne sont pas voulus, qu'un homme ou une femme politique aurait peut-être su anticiper et limiter. Toute la complexité voilà, de la psychologie humaine et de ces réactions n'est pas forcément envisagée par les intelligences artificielles. On peut évoquer justement ces limites, ces biais auxquels peut très vite être confronté un système d'intelligence artificielle. On peut prendre le cas un peu typique, catastrophique de Microsoft, de cette IA baptisée Tay. C'était en 2016. Racontez-nous un peu cette histoire, ce fiasco, ce gros flop. Ah oui, on peut dire ça, oui. C'est du coup une intelligence artificielle qui a été déployée sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et le principe de cette intelligence artificielle, c'est qu'elle allait apprendre au contact des internautes. Le problème, c'est que certaines personnes mal intentionnées sont arrivées, ont investi le terrain, ont discuté avec Tay, et au bout de quelques heures, l'intelligence artificielle était raciste, elle était tout ce qu'il ne faut pas être. Négationniste, aussi, tout ça. Ce passé, ouais. C'était absolument atroce. Et du coup, Microsoft, pardon, a tout de suite enlevé l'IA. Parce qu'en fait, c'est ça, elle a enlevé de la circulation, parce que il faut encore corriger ces choses-là, qu'elle ait une éthique, qu'on ait accès par exemple à son raisonnement. Parce qu'est-ce qu'on va accepter la décision d'une IA si on ne sait pas comment elle pense, si on ne sait pas comment elle est arrivée à cette décision. Donc il y a encore beaucoup de choses à régler. Beaucoup de choses, on n'est pas encore à l'ère des Machiavel, si vous passez ce jeu de mots complètement foireux, c'est vendredi, c'est permis. Et on passe tout de suite à un sujet, on prend la direction de l'espace, c'est tout de suite après ça. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Et on aborde le troisième temps de cette table ronde d'actualité avec vous, Philippe Hénarajos. Vous êtes un petit peu notre oncle d'Amérique. Vous nous revenez ou presque de Floride. Alors, qu'est-ce que vous avez vu là-bas en lien avec cette mission Artemis qui va être le sujet de notre discussion à présent? Ce que je suis allé voir et ce que j'ai vu là-bas, c'est que les choses bougent. Artemis, c'est le programme lunaire américain dont on parle depuis des années, qui n'a pas cessé de prendre du retard, dont les coûts explosent un petit peu, quand même, il faut le dire. Mais là, le 17 mars dernier, pour la première fois, ce que j'appellerais la grande cathédrale du spatial mondial, qui est le Vehicle Assembly Building, c'est un cube de béton de 130 mètres de haut et de côté, en fait, dans lequel, qui a été construit dans les années 60, et dans lequel avaient été fabriquées les fusées lunaires Saturne V du programme Apollo. Eh bien, il y a une résurrection, en quelque sorte, de programme lunaire, puisque pour la première fois, la fusée SLS, Space Launch System, voilà, pas un très joli nom, hein, C'est le super gros lanceur, voilà, la nouvelle Saturne V, en quelque sorte, bien qu'elle emprunte beaucoup de technologies à la navette spatiale, a été assemblée dans ce building, et pour la première fois, elle a été acheminée sur son aire de lancement à 5 km de là. C'est l'une des aires de lancement des fusées Apollo et des navettes spatiales. Et pour ça, il y avait le fameux crawler, qui est un tracteur énorme, avec des chenilles énormes, qui est passé comme ça à une trentaine de mètres de nous, et on a vu cette fusée qui mesure quand même, dans sa première version, c'est pas la version définitive, première version fait 98 mètres de haut, et elle est déjà juchée sur sa table de lancement avec sa tour de lancement à côté. Ça fait quand même l'impression d'une tour Eiffel qui se balade. Alors, c'est trois fois plus petit, évidemment, mais quand même, quand on est à côté, cette fusée, elle a le mérite maintenant d'exister, d'être là, aujourd'hui, au moment où nous parlons. C'est pas simplement pour amuser la galerie et quelques journalistes qui étaient là, qu'elle a été déplacée. Elle est sur son aire de lancement, et il y a aujourd'hui donc des tests de compte à rebours finaux, c'est-à-dire que la NASA va mener un compte à rebours avec le remplissage des réservoirs, tout ce qui s'ensuit, jusqu'à H moins 9 secondes et 35 centièmes. Ils vont arrêter. Ils auraient pu lancer. En fait, non, ils sont pas prêts. Il leur manque encore d'autres préparatifs. C'est pour ça que si tout se passe bien avec ces essais, la fusée sera encore ramenée au hangar et puis ressortie Bon, la première fenêtre de lancement, c'est mi-mai, mais on table plutôt sur début juin, mi-juin. Quelle est la spécificité de ce SLS, de cette super fusée américaine qui va lancer la mission Artemis, dont on parlera dans un instant, et enfin, on évoquera le calendrier, bien sûr, mais pourquoi cette si grosse fusée est aussi importante pour le programme en question de retour des États-Unis vers la Lune? Elle est importante parce que elle permet au vaisseau, la capsule, l'équivalent de la capsule Apollo de l'époque, qui s'appelle Orion, qui est plus grosse hein, quand même, qui est nettement plus grosse, qui permettra à 4 astronautes d'aller vers la Lune. Elle est importante cette fusée parce qu'elle permet de propulser ce vaisseau vers la Lune et aussi d'emporter du fret. On n'en parle pas beaucoup parce qu'en fait, les États-Unis et la NASA ont quand même eu un petit problème ces derniers temps avec l'engin qui doit permettre aux astronautes de se poser sur la Lune. Parce qu'aller autour de la Lune, c'est bien joli. Là, les États-Unis envisagent, voilà. Bien sûr, il faut peut-être le rappeler, que c'est une mission habitée et que l'idée, c'est d'envoyer des astronautes sur le sol lunaire voilà, et pour établir une base. D'établir une base et d'y aller régulièrement. Et pour se poser sur la Lune, il faut ce qu'on appelait à l'époque un module lunaire, c'est-à-dire une espèce de machin avec des pattes et des rétrofusées qui va se poser sur la Lune parce qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage sur la Lune. Donc, il faut quelque chose comme ça. Et jusque-là, la NASA avait très peu doté en termes de finances ce qu'ils appellent maintenant le Human Landing System. Mm-hmm. Donc, la NASA adore les acronymes. Hein, oui. HLS, c'est le Human SLS. Landing System, qui sera propulsé peut-être par le SLS. Mais ce Human Landing System, jusque-là, il n'y avait qu'une seule compagnie privée qui avait eu le marché, en quelque sorte. C'est SpaceX, d'Elon Musk, qu'on ne présente plus. Non, bien sûr. SpaceX avait proposé tout simplement le Starship. Alors, Starship, qu'est-ce que c'est? C'est cette fusée sortie d'un roman graphique des années 60, d'un comics quasiment. C'est une fusée de Tintin, pratiquement, qui mesure 50 mètres de long, 9 mètres de diamètre, et qu'il faut propulser avec un booster, avec une fusée encore plus puissante que la SLS que j'ai vue, et je peux vous dire que c'est déjà un gros machin. tout ça n'a pas démarré. Il y a eu quelques essais du Starship, des essais d'atterrissage, un petit décollage et atterrissage. Le Super Heavy, qui est l'énorme fusée qui doit propulser ça en orbite, elle n'a jamais volé encore et c'est pas prêt d'arriver pour l'instant. Et il faut faire des essais, il faut que ce soit pas une coquille creuse ce truc-là, il faut que ce soit un vrai vaisseau bien étanche avec des systèmes de vol, avec de l'avionique, avec tout ce qui permet à des astronautes de vivre. Et ça, on en est loin. Et donc ces derniers jours, quand je vous dis que ça bouge, c'est pas simplement parce que la fusée a bougé, c'est que la NASA aussi a bougé. Et du côté de la Maison Blanche, par exemple, pas plus tard que hier, je crois, si je ne me trompe pas, ou avant-hier, l'administration Biden a demandé au Congrès un budget de la NASA en hausse de 2 milliards. On a été à 24 milliards pour 2022, et donc la demande pour 2023, c'est presque 26 milliards. Et 8,7 milliards uniquement dédiés à la mission Artemis, ça en dit long sur l'importance qu'a cette mission. Absolument, dont 1,2 milliard pour le Human Landing System. Et pourquoi ça? Parce que la NASA l'a dit publiquement avec un communiqué de presse, va faire appel à une deuxième entreprise. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas tellement confiance dans le fantasme, monsieur voilà, Musk. De mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, il manquait aussi des millions, des centaines de millions pour le scaphandre lunaire, parce qu'une fois qu'on s'est posé, il faut sortir, poser le pied sur la Lune. Pour ça, il faut un scaphandre. Donc ça, c'était doté à hauteur de 100 millions. Et maintenant, ça passe à quasiment 280 millions pour 2023. Donc, ce qu'on voit, c'est que la NASA est certes consciente de ses retards, mais est capable, en tout cas, sous l'impulsion de l'administration Biden, de redonner les milliards qu'il faut pour y arriver, notamment sans doute parce que il y a une nation dont on ne parle pas beaucoup, mais qui avance quand même, c'est la Chine. La Chine, voilà. Et on ne sait jamais, on ne sait pas où ils en sont. Mais Sam est de retour avec des échéances très très prochaines, avec un premier lancement de la fusée en juin, un premier lancement ensuite en 2024 au printemps de la fusée en orbite de la Lune. Avec un équipage, voilà. Parce que là, le prochain lancement, c'est sans équipage, et normalement, 2025, c'est sur la Lune. Mais ça,